Chapitre 4. L'essentiel était dit. La mère avait expliqué son plan. Le fils l'avait accepté. L'entretien ne pouvait plus que languir. D'ailleurs, le temps avait marché. La soirée s'était écoulée. Madame Prêt-à-Boine, qui ne laissait rien échapper de ce qui se passait autour d'elle, remarqua que son fils avait habilement manœuvré sur son fauteuil, de manière à pouvoir lever les yeux sur la pendule à laquelle, au commencement de leur conversation, il tournait le dos. Tout d'abord, il avait joué avec la chaîne de sa montre, un homme qui n'attend qu'une occasion favorable pour glisser une main rapide dans la poche de son gilet et regarder l'heure à la dérobée. Mais cette occasion favorable ne s'étant pas présentée, il avait renoncé à son premier dessein, et poussant doucement son fauteuil, à petits coups, sans faire de bruit, il s'était trouvé en face de la pendule. Au mouvement qui lui avait échappé lorsqu'il avait levé les yeux sur le cadran, il était bien certain qu'il n'avait pas eu conscience du temps qui s'était écoulé pendant les confidences de sa mère, et qu'il éprouvait une désagréable surprise en voyant l'heure qu'il était. Cependant, il n'avait rien dit. Mais après 5 ou 6 minutes, il avait allongé les jambes, il s'était étiré les bras, et à plusieurs reprises, il avait passé ses mains sur ses yeux. Enfin, il avait successivement fait tous les signes par lesquels une grande fatigue se manifeste ordinairement. 2 fois même, il étouffa un bâillement avec discrétion. « Vous êtes fatigué ?» dit Madame Prêt-à-Boine sans paraître fâchée. « Un peu. Alors il faudrait vous coucher, l'heure est venue. » Il ne se fit pas répéter 2 fois cette invitation, et il se mit sur ses jambes avec une rapidité qui, à vrai dire, n'indiquait pas que cette fatigue qu'il avouait fut bien grande. « Moi-même, » dit Madame Prêt-à-Boine, « j'ai pris l'habitude de me coucher de bonne heure. Le soir est maintenant mon meilleur temps de sommeil. Je m'endors à peine au lit, et si profondément qu'on emporterait la maison sans me réveiller. » Ils se dirigèrent vers la porte du grand salon, mais au moment de l'ouvrir, Madame Prêt-à-Boine s'arrêta. « J'oubliais de vous prévenir, dit-elle, que nous aurons demain déjeuner, monsieur l'abbé Armand. Est-il donc encore à Condé ? Il y est maintenant pour toujours, probablement. Monseigneur s'est enfin décidé à lui donner le camail. Cela a été difficile à obtenir, il a fallu mettre les plus hautes influences en jeu, et rien mieux que cette résistance de Monseigneur me montre combien il comprend mal sa mission. Devait-il hésiter à nommer chanoine un prêtre comme monsieur l'abbé Armand, qui est d'une grande naissance, qui était secrétaire intime de Monseigneur Aurélien, qui a eu en relation avec toute la noblesse de la contrée, enfin qui, pour tout ce qui touche aux règles du savoir-vivre, de la bienséance et de la politesse, est une autorité universellement reconnue et respectée. « Enfin, il est nommé, » dit Aurélien avec une certaine impatience, « grâce à Dieu. Et pour moi, j'en suis bien heureuse, car présentement, l'abbé Armand me rend les plus grands services. Je ne suis pas femme à me faire illusion. Je sais ce que je suis et comment j'ai été élevé, ou plus justement, comment je n'ai pas été élevé. Pendant 40 ans, j'ai travaillé du matin au soir. Et ce n'est pas dans mes bureaux que j'ai pu apprendre les usages et les manières de la bonne compagnie. Mon ignorance à ce sujet est grande, mais je ne veux pas que vous ayez à en souffrir. Ce que je n'ai pas pu apprendre dans ma jeunesse, je l'étudie maintenant, car je ne veux pas que votre mère vous gêne. C'est par là que l'abbé Armand m'est utile. Il veut bien trouver la cuisine de Barbe à son goût, et il aime les bons dîners, aussi bien que les bons déjeuners que je fais préparer pour lui. Vous ne sauriez croire qu'on m'en profite à le voir manger. Je vous avoue entre nous que jusqu'au jour où il a bien voulu accepter mes invitations, je ne me doutais pas de ce que c'était que manger. Il faut le voir à table. Voulez-vous donc qu'il me donne des leçons ? Dit-il d'un air pincé. Il en pourrait donner à tout le monde, non seulement pour la table, mais encore pour la tenue et les usages du monde. Cependant, ce n'est point dans cette intention que je l'ai invité. Vous n'aurez de relation avec lui que ce que voudra en avoir. Si je vous préviens ce soir, c'est afin que vous fassiez demain une toilette un peu plus soignée que pour moi. » Sans répondre, Aurélien se pencha vers sa mère et l'embrassant sur le front. « Bonsoir, maman, » dit-il. « Pensez à mademoiselle de La Roche-Audon, » dit-elle. « J'avais rêvé de ses cheveux blonds. » Ils montèrent le large escalier à marche de pierre et à rampe de fer ouvragée qui conduit au premier étage. Par suite d'une distribution assez fréquemment employée dans les maisons où l'espace n'a pas été étroitement mesuré, cet escalier partageait l'hôtel en 2 parties égales. D'un côté étaient les appartements de Madame Prêt-à-Boine, de l'autre ceux de son fils. Arrivés dans le vestibule, la mère et le fils se donnèrent une dernière fois la main. « Bonne nuit, mon enfant. »« Merci, maman. Je crois que votre souhait sera exaucé. Je tombe de sommeil. Et moi aussi. » Et tandis que Madame Prêt-à-Bonne entrait chez elle, Aurélien ouvre la porte de son appartement. Elle grinça sur ses gonds, comme si depuis plusieurs mois, il n'avait pas fonctionné. Alors, il la referma doucement. Mais plus le mouvement fut lent, plus le grincement fut fort. Il résonna dans l'actage sonore de l'escalier. Bien que ce fût un appartement de garçon qu'Aurélien habitait, on ne se fût jamais cru chez un garçon, et quiconque eût pénétré chez lui sans être averti eût pu penser qu'il était chez un magistrat ou chez un ecclésiastique occupant un haut rang dans l'église. De l'entrée, qui n'avait aucun caractère propre, on passait dans un grand cabinet de travail d'une sévérité presque lugubre. Le meuble était en drap gris, avec des ornements sombres. Les deux bibliothèques, qui se faisaient vis-à-vis, étaient en ébène, sans sculpture et sans moulure. Derrière les glaces de ces bibliothèques se montraient, soigneusement rangées, 1500 ou 1800 volumes uniformément reliés en chagrin noir. Pas de tableau, pas de gravure aux murailles, mais seulement un très grand et très beau Christ en ivoire, dont la blancheur éclairait cette pièce sombre. Après ce cabinet de travail, se trouvait la chambre à coucher, dont l'ameublement, plus simple et plus sévère encore peut-être, se composait uniquement d'un lit et d'une grande table en palissandre, de deux immenses fauteuils placés devant la cheminée et d'un prie-dieu recouvert d'une tapisserie à la main représentant un petit Saint-Jean. Pour un homme qui tombait de sommeil, Aurélien ne se pressa pas de se coucher. Il entra dans son cabinet de toilette, et ayant ouvert un porte-manteau, il en tira des chaussons à semelles de feutre et un chapeau gris à grand bord mou. Il passa les chaussons par-dessus ses bottines et se coiffa du chapeau dont il rabattit les bords de manière à cacher son visage. Puis, ayant quitté son veston, il le remplaça par un long par-dessus. Cela fait, il se regarda dans un miroir et, ne se trouvant pas assez déguisé, il s'enveloppa le bas du visage avec un foulard de lin de la fond noir. Une veilleuse pleine d'huile brûlait sur une console. Il la prit et, traversant sa chambre ainsi que son cabinet de travail, il alla dans l'entrée. Là, il déchira un morceau de papier et le roula dans ses doigts comme pour en faire une allumette. Mais au lieu d'allumer ce papier à la veilleuse, il le trempa dans l'huile et doucement, avec précaution, il huila les gonds de la porte qui avait grincé si fort lorsqu'il était entré dans son appartement. Alors, il revint dans son cabinet de travail et, s'asseyant dans un fauteuil, les jambes étendues, les bras croisés, il resta immobile, plongé dans une profonde méditation ou bien attendant. Les bruits s'étaient éteints dans la maison et le silence était descendu sur la ville endormie, troublé seulement par la sonnerie des heures qui se répétait de clocher en clocher. Plusieurs fois, il regarda le cadran de sa montre qu'il tenait dans sa main fermée. Enfin, l'ayant regardé une dernière fois, il se leva et ouvrit avec précaution la porte qu'il venait de huiler. Elle ne grinça pas. L'escalier était sombre car les rampes avaient été éteintes. Ils étaient remplacés par une veilleuse qui ne donnait qu'une faible lumière vacillante. Il écouta, aucun bruit. Sa mère et les domestiques étaient assurément endormis. Il descendit sur la pointe des pieds, ses semelles de feutre glissaient légèrement sur la pierre. Le vestibule de rez-de-chaussée communique par deux portes avec l'extérieur, une grande donnant sur la cour d'entrée, une petite ouvrant sur le jardin. Celle-ci était fermée avec une clé et deux verrous. Il tira les verrous, fit fonctionner doucement le pêne, et ayant pris la clé dans sa main, il sortit. Du dehors, il referma la serrure avec sa clé. Tout cela n'avait pas fait le plus léger bruit, et personne, assurément, n'avait dû l'entendre dans la maison où, d'ailleurs, tout le monde devait dormir. Cependant, tout le monde ne dormait pas, comme il l'avait cru. Car à peine était-il sorti qu'une confusion de légers bruits troubla le silence, un bruit de porte au premier étage et de pas au rez-de-chaussée. Au premier étage, c'était Madame Prêt-à-Bonne qui venait de paraître dans le vestibule. Au rez-de-chaussée, c'était la cuisinière, qui n'étant pas encore couchée, comme Aurélien l'avait supposé, avait entendu un léger bruit à la porte du rez-de-chaussée et en fit soigneuse qu'elle était, venait voir ce qui se passait. Elle regarda cette porte, et ayant vu que les verrous n'étaient pas fermés, elle les poussa. L'absence de la clé parut la surprendre, mais s'étant assurée que le pêne était bien pris dans la gâche, et que par conséquent, avec ce pêne et les verrous, il était impossible d'ouvrir la porte, elle monta se coucher par l'escalier de service, remettant le lendemain matin pour chercher la clé qui avait pu être retirée par la femme de chambre. Pendant tout ce temps, Madame Prêt-à-Bonne était restée immobile à la porte de sa chambre. Quand la cuisinière eut disparu, elle descendit, et allant tout droit à la petite porte, elle tira les verrous qui venaient d'être fermés. Puis, cela fait, elle remonta chez elle.